Vitasa Santa Chitasa Pekuno Ama Nusi Rati Hoti Sama Dhamma Vipassato. Le bhikkhu, c'est-à-dire le yogi, qui se retire dans un endroit isolé pour pratiquer, qui a l'esprit calme et tranquille, qui voit clairement le Dhamma, va expérimenter la joie. Je vous en ai parlé hier. Je vous ai parlé de la réclusion, c'est-à-dire du fait que le yogi reste dans son domaine. Le domaine du yogi, ce sont les quatre sampajanas dont je vous ai également parlé. Nous avons vu le premier qui était la claire compréhension de ce qui est bénéfique, bien ensuite la claire compréhension de ce qui convient, la troisième claire compréhension, c'est la claire compréhension du domaine du yogi. Le yogi qui se retire dans un endroit isolé va donc être reclus. La réclusion, cela veut dire que ce yogi pratique les quatre établissements de l'attention. Il est attentif aux quatre bases que sont le corps physique, les sensations, l'esprit et les dhammas. S'il pratique ainsi les quatre établissements de l'attention, son esprit va progressivement se calmer. Ce yogi ne va plus s'impliquer dans les activités mondaines. Il ne va pas rechercher la compagnie d'autres personnes. Il est heureux d'être tout simplement attentif. Il expérimente alors la réclusion de l'esprit et la réclusion du corps. Lorsqu'il se trouve dans cet état, il n'y a aucune impureté dans son esprit. Au moment des entretiens, j'ai pu constater que les yogis avaient progressé. Ils ont décrit de façon très précise leur pratique en posture assise et pendant la marche. Ils ont pu expliquer tout ce qu'ils ont expérimenté très facilement. Ceci veut tout simplement dire que ces yogis commencent à emmener leur attention partout avec eux. Au début, ceci n'était pas possible. Il était très difficile de noter même les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Quant aux activités quotidiennes, il y en avait beaucoup qui passaient inaperçues ou que les yogis estimaient inintéressantes. Alors que maintenant, ils sont capables de noter les moindres détails. Les activités quotidiennes, ils commencent à les voir comme très intéressantes et essayent de toutes les noter. Tout est devenu important pour ces yogis. Ils voient des objets très subtils, ils voient tous les détails. Ceci veut dire que ces yogis restent dans leur domaine, ils sont reclus. Le yogi doit vivre dans son domaine. Ceci est très important. Vous pourrez constater par vous-même que lorsque vous êtes attentif aux quatre bases, votre esprit se calme, il devient paisible. Vous vous sentez satisfait de votre pratique. Vous voyez que votre attention s'est développée, et si elle s'est développée, c'est parce que vous avez travaillé avec détermination. Vous êtes maintenant capable d'emmener votre attention partout avec vous. Petit à petit, cette attention est devenue très forte. À cause de cette force de l'attention, la concentration s'est développée. Votre esprit n'est plus éparpillé. Au début, tout ceci était très difficile. Observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen était très difficile. Lorsqu'il y avait des douleurs, vous n'arriviez pas à les observer correctement, vous étiez impatient. Mais maintenant que votre attention s'est développée, vous êtes capable de rester immobile sans bouger. Vous pouvez noter tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. Votre esprit reste fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Et plus votre attention se développe, plus vous observez en détail, plus l'esprit se clarifie. Dès qu'il y a une douleur, vous êtes capable de la noter. Votre esprit reste fixé sur cette sensation douloureuse. Vous expérimentez toutes sortes de choses au niveau de cette sensation douloureuse, et vous êtes capable de l'observer sans bouger. Votre esprit reste également fixé sur d'autres phénomènes, comme par exemple voir, entendre, sentir, etc. Il est capable d'observer tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. À cause de ce résultat, la satisfaction va apparaître en vous. Vous vous sentez heureux parce que capable de noter tout ce qui se manifeste en vous à l'instant précis où cela se manifeste. Tout ceci fait surgir la joie et la satisfaction, tout simplement parce que vous vivez dorénavant dans votre domaine, dans le domaine du yogi, c'est-à-dire dans les quatre établissements de l'attention. Lorsqu'on vit chez soi, dans sa maison, on se sent en sécurité. Mais si on n'a pas la possibilité de vivre dans sa propre maison, chez soi, on ne sera pas en sécurité. C'est la même chose pour le yogi. Le yogi doit vivre dans sa maison, chez lui. Quelle est la maison du yogi? La maison du yogi, ce sont les quatre établissements de l'attention. Kaya, Vedana, Citta et Dhamma. Si le yogi ne vit pas dans sa maison, les kilesas vont forcément apparaître et envahir son esprit. Il ne sera pas possible pour ce yogi de se débarrasser des impuretés, des kilesas. Elles seront constamment en lui, dans son esprit, elles vont le harasser. Si nous pratiquons Vipassana, c'est pour atteindre l'illumination. Mais avant d'atteindre l'illumination, il faudra obligatoirement se débarrasser des impuretés. Il n'est pas possible d'atteindre l'illumination s'il y a des impuretés dans l'esprit. C'est donc pour cette raison que nous devons apprendre à vivre dans le domaine du yogi. Du point de vue du domaine du yogi, on distingue quatre types de bhikkhu ou de yogi. Le premier type de bhikkhu, c'est le bhikkhu qui, lorsqu'il se rend au village pour quêter sa nourriture, emmène son attention avec lui. Mais lorsqu'il revient, il oublie d'être attentif. Le deuxième type de bhikkhu, c'est celui qui, lorsqu'il se rend au village pour quêter sa nourriture, n'emporte pas son attention avec lui. Mais lorsqu'il revient, il est attentif. Le troisième type de bhikkhu, c'est celui qui, lorsqu'il se rend au village pour quêter sa nourriture, n'emporte pas son attention avec lui, et lorsqu'il revient, il ne l'emmène pas non plus avec lui. Et le quatrième type de bhikkhu, c'est celui qui, lorsqu'il se rend au village pour quêter sa nourriture, emporte son attention avec lui, lorsqu'il revient, il est également attentif. C'est ce quatrième type de bhikkhu qui devrait être notre exemple. Il y a deux types de bhikkhu, deux types de moines. Le premier, c'est le Vinaya Bhikkhu. C'est une personne qui a été ordonnée par au moins quatre autres personnes reconnues comme étant des moines. Ce type de bhikkhu doit obéir aux règles. Ils doivent aller au village pour quêter leur nourriture et doivent accepter tout ce qui leur est offert. Ce sont donc des Vinaya Bhikkhu, ceux qui obéissent au code de discipline. Un deuxième type de bhikkhu, c'est la personne qui pratique la méditation, et surtout la méditation vipassana, dans le but de se libérer de la souffrance. Ces personnes sont prises par un sentiment d'urgence. Ils ont peut-être vu une personne âgée, un mourant ou un mort, une personne malade, et ils ont été subitement pris par le sentiment d'urgence. Ils se sont mis alors à pratiquer la méditation vipassana. Ils renoncent soit sur une base temporaire, soit sur une base définitive. Ce sont donc là des bhikkhus également, ce sont les yogis. Le premier type de bhikkhu est donc à la fois un vinaya bhikkhu et un pratiquant vipassana. Lorsqu'il va au village pour quêter sa nourriture, il est très attentif et note, de façon générale, marcher, marcher, se déplacer, se déplacer. Il ne note pas en détail comme vous le faites ici, il note de façon générale. Il emmène donc son attention avec lui lorsqu'il se rend au village. Mais lorsqu'il revient du village, ce premier type de bhikkhu répond aux questions qui lui sont posées. Il oublie d'être attentif. Le deuxième type de bhikkhu, c'est celui qui, lorsqu'il se rend au village pour quêter sa nourriture, n'emmène pas son attention avec lui. Mais lorsqu'il revient, il est attentif. Pourquoi ce type de bhikkhu n'emmène-t-il pas son attention avec lui lorsqu'il se rend au village? Parce qu'il a faim. Et cette sensation de faim va provoquer certaines douleurs. Il va expérimenter ce que l'on appelle le feu digestif. C'est un des types de feu. À cause de cette brûlure, ce bhikkhu est très impatient et il désire soulager la faim. C'est pour cette raison qu'il se rend rapidement au village sans être attentif. Vous connaissez tous la vie que doit mener le yogi lorsqu'il se trouve en retraite. Tout particulièrement dans la tradition de notre bienfaiteur, feu le vénérable Mahasi Sayadaw, le yogi devra se montrer attentif tout au long de la journée, depuis le matin tôt jusque tard le soir lorsqu'il ira se coucher. Il doit être attentif, comme vous le faites, de 4 heures du matin à 10 heures du soir. Et pendant toute la journée, il devra maintenir son attention. Le matin, après le petit déjeuner, de 7 à 8, vous devez faire certains services. Vous devez nettoyer. Ce sont des tâches assez légères qui vous permettent de maintenir votre attention. Dans le temps également, les yogis ou les bhikkhus devaient faire certaines tâches. Mais c'était beaucoup plus difficile, car à l'époque, le moine devait donc pratiquer toute la journée, mais lorsqu'il s'agissait de se nourrir, personne ne venait préparer le repas ni l'offrir. Il devait donc se rendre au village pour quêter sa nourriture. Il n'était pas autorisé à demander quoi que ce soit. Il devait simplement se présenter aux portes des maisons et accepter ce qui était offert. Il devait ensuite pratiquer pendant toute la journée, depuis 3 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Et ces moines qui pratiquaient donc ne devaient cependant pas oublier les services quotidiens. Ils devaient eux aussi faire du nettoyage, balayer le temple, nettoyer leur chambre. Comme vous, ils devaient ratisser les feuilles dans la cour, jeter les détritus, remplir les jarres d'eau, etc. À l'époque, les moines qui devaient donc remplir les jarres d'eau devaient fournir beaucoup d'énergie pour cela, car il n'y avait pas de robinet comme de nos jours. Il fallait puiser l'eau dans des puits qui en général étaient très profonds. Il n'y avait pas de machine. Tout cela devait se faire à la main, et c'était donc très dur. Il devait fournir l'eau au professeur, à la sangha, il devait veiller à ce que les toilettes disposent d'eau, il devait également nettoyer le temple. Toutes ces charges les rendaient très fatigués, d'autant plus qu'ils n'avaient pas de nourriture dans l'estomac. Nous devons donc comprendre que nous avons beaucoup de chance de vivre à notre époque, car nous disposons de tout le confort moderne, nous avons l'électricité, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il fallait allumer des feux, ce qui était parfois très difficile. Comme nous avons toutes ces facilités, nous pouvons consacrer toute notre énergie à la pratique. Ce deuxième type de moine est donc celui qui se rend au village pour quêter sa nourriture sans attention parce qu'il a faim. Ce deuxième type de moine va donc se rendre au village sans attention et là, il va recevoir de la nourriture. Il va pouvoir calmer sa faim. Le feu digestif ne le torturera plus. Et donc, lorsqu'il revient chez lui, il est possible pour ce moine d'être attentif. Il note, de façon générale, marcher, marcher, marcher. Nous devons comprendre que nous avons beaucoup de chance. Je voudrais faire cette petite parenthèse. Les yogis doivent donc comprendre qu'ils ont beaucoup de chance car ils ont l'occasion de pratiquer dans ce centre qui a été arrangé par Damadina et Henri. Moi-même, je peux enseigner la méditation et j'ai pu constater que les yogis progressaient chaque jour. Tout simplement parce que le centre convient, il est confortable. Les yogis pratiquent donc assidûment. Au début, Damadina me les a introduits en expliquant qu'il y avait des yogis qui étaient débutants, des yogis qui étaient déjà expérimentés. J'ai donné un enseignement qui s'adressait à la fois aux méditants expérimentés et aux méditants avancés dans leur pratique. J'ai tout simplement demandé d'être attentif le plus possible. J'ai pu constater qu'au cours de ces quelques jours, les méditants ont progressé. Ils ont progressé en méditation assise, ils ont progressé pendant la marche. De temps à autre, je les regarde marcher dans la cour et je peux constater qu'ils sont très attentifs, très composés dans leurs mouvements. Ils emmènent leur attention partout avec eux. Le troisième type de bhikkhu, c'est celui qui, lorsqu'il se rend au village pour quêter sa nourriture, n'est pas attentif. Lorsqu'il revient du village, il n'est pas non plus attentif. Ce bhikkhu ne pratique pas la méditation. Cela ne l'intéresse pas. Tout ceci veut tout simplement dire qu'un tel bhikkhu est inutile. Le Bouddha est apparu pour aider les êtres à se libérer de la souffrance. Le Bouddha souhaite donc que les moines et les bhikkhus en général essayent de pratiquer dans le but de se libérer de la souffrance, de se libérer du samsara. Du temps du Bouddha, il y avait un moine érudit qui était très connu pour ses enseignements. Il avait beaucoup d'érudition. Il alla un jour chez le Bouddha qu'il appela l'inutile. Ce moine se demanda alors pourquoi le Bouddha l'appelait l'inutile. Il réalisa plus tard que si le Bouddha l'appelait l'inutile, c'est parce que il considérait que tant qu'il ne pratiquerait pas la méditation, il serait inutile. Le troisième type de bhikkhu correspond donc à cette description, c'est le bhikkhu qui n'est pas attentif lorsqu'il se rend au village et qui n'est pas attentif lorsqu'il revient du village. Le quatrième type de bhikkhu, c'est celui qui, lorsqu'il se rend au village pour quêter sa nourriture, est attentif. Il note « marcher, marcher ». Lorsqu'il reçoit la nourriture, il est attentif. Et lorsqu'il revient du village, il est également attentif. Si on lui adresse la parole, sur le trajet, il ne répond pas. Il maintient l'attention. Ce type de moine vit entièrement dans son domaine, c'est-à-dire dans les quatre établissements de l'attention. Ce type de moine peut dès lors percevoir très clairement le Dhamma. S'il perçoit très clairement le Dhamma, la joie va se manifester, la joie qui s'enracine dans la pratique. C'est une joie qui est très différente de la joie qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. That's enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation ardently, diligently. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Puissiez-vous tous être heureux, en paix, calme. Puissiez-vous tous être capables de pratiquer de façon ardente et assidue. Puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu.